Le Chevalier de Saint-Georges, de Roger de Beauvoir, tome 2e, chapitre 16e, Théoblas. Il portait le costume d'un simple marchand de la partie espagnole de l'île. C'est vous dire que son habillement consistait dans un méchant pantalon de basin blanc, une veste brune d'étoffe légère, garnie de 2 ou 3 rangs de boutons d'or, un manteau de drap bleu avec un large galon au collet, un chapeau noir entouré d'une vieille ganse à brillants. Mais tout cela, usé, terni, misérable. Vous eussiez cru voir un juif de Santo Domingo, au lieu d'un marchand. 2 pistolets damasquinés au pommeau reposaient pourtant à sa ceinture, à côté d'un couteau fermé, dont la seule lame eût coupé la branche d'un tamarin. Il ôta son manteau, le ploya, et le jeta assez arrogamment sur le lit. À l'index de sa main droite scintillait en vive bleuette de lumière un diamant d'étrange grosseur. Ce personnage était de taille exiguë. C'était moins un hombre qu'un hombrecillo, mot qui résume merveilleusement en espagnol un petit homme. En revanche, sous cet ensemble inculte, sous ses vêtements secs et râpés, il conservait une expression de physionomie peu commune. Son teint pâle n'avait rien de celui des habitants ordinaires de la partie espagnole. Ses dents, ses mains et sa barbe, toutes choses dont il se montrait fort curieux, n'appartenaient pas davantage à cette caste bâtarde, sœur de l'Afrique. Sa lèvre inférieure exprimait un grand dédain. Ses joues maigres couvaient la fièvre, mais cette fièvre continue à laquelle sont en proie, plus particulièrement sous les tropiques, les hommes sombres, haineux. Rien qu'à le voir ainsi les bras croisés devant la marquise de Langeais, vous eussiez deviné sa nature hautaine. L'arc de ses sourcils noirs se soulevait par moments au-dessus de son front plissé déjà de quelques rides, bien qu'il eût à peine 30 ans. Son regard limpide et froid dénotait l'opiniâtreté, mais une opiniâtreté terrible en sa voix, à laquelle rien ne coûte ni ne résiste. L'empreinte irrécusable de la fatalité marquait cet homme, tombant pour ainsi dire en ruine autour de lui-même, usé par les passions ou le climat, eau stagnante au premier aspect, mais qui fermentait continuellement au soleil. À travers sa dégradation et sa misère, il laissait percer des airs réels et imposants d'autorité. Debout devant la marquise, il l'examinait avec une avidité singulière. Il semblait qu'il eût longtemps qu'il n'eût contemplé ses traits. Il s'en repaissait comme l'alligator se repaît d'abord de sa victime, par la vue. En ce moment terrible, la marquise regretta de ne plus avoir de mari, de défenseur. Mais l'horreur de sa situation l'entraînait, elle connaissait cet homme, et il était écrit qu'elle lui devait répondre comme un juge. « Caroline, dit-il, depuis combien de temps me croyez-vous de retour ici ? Mais je ne sais, qui me l'aurait dit ? Vos propriétés ne sont-elles pas dans le continent espagnol ? Mes propriétés, vous riez ? Je suis un marchand orpailleur qui commande pour son commerce à 15 nègres, voilà tout. » La marquise ne répondit pas à ces mots prononcés avec une ironie insouciante. « Vous ne doutez pas de mes paroles, je l'espère. Me croyez-vous noble grand seigneur ? Par hasard ? Fi donc ! Je suis Théoblas, un marchand. » « Oh ! » reprit-elle en se cachant la figure de ses deux mains. « Je n'ai point oublié. Mais qu'avez-vous à me dire ? J'ai à vous dire, Caroline, que je vous hais. Vous me haïssez ? » reprit-elle en se levant toute pâle. Comment est le noir qui incendie votre maison, celui qui empoisonne vos bestiaux, celui qui essaye de vous tuer? Vous êtes la couleuvre, Caroline, la couleuvre longtemps aimée, à laquelle j'offris le lait. Maintenant, vous ne pouvez ignorer le sort de la couleuvre. Le fusil d'un misérable noir l'a tué, mais vous, vous, Caroline, qui vous tuera? Vous me faites frémir. Vous êtes cruel, Théoblas. Si j'eus des torts, je vous en demande pardon. Vous humiliez, vous, allons donc. Vous devez porter la tête haute. Ah, vous ne savez pas d'où j'arrive, Caroline. Eh bien, moi, je vais vous le dire. J'arrive de la Guadeloupe, de l'habitation des palmiers, où vous étiez et d'où vous veniez de partir. L'habitation serait-elle brûlée? Dites, une révolte noire, peut-être? Vous avez, je le vois, à m'annoncer de tristes nouvelles. Triste, Caroline, triste comme la robe que vous portez. Vous portez le deuil de Monsieur de Langeais. C'est héroïque. Ne le dois-je pas? C'est juste. mais dans les cafés, on m'a appris là-bas d'étranges choses. Dans les cafés. Écoutez donc, c'est le seul endroit où l'on m'ait parlé de vous avec franchise. Vous avez, madame, de vrais amis à la Guadeloupe. Je ne vous comprends pas. Qu'alliez-vous faire au palmier? Me chercher? Mais je n'avais répondu à aucune de vos lettres. Je devais agir ainsi, je l'ai fait. Vous m'avez écrit que vous aviez été le témoin de monsieur de Langeais, je vous en remerciais. Vous ne pouvez avoir recueilli sur moi au palmier ou dans les cafés de la colonie des mots cruels, insultants, sans les avoir punis de votre dédain ou de votre vengeance. Que venez-vous donc m'apprendre? Depuis que je ne vous ai vu, monsieur, continua la marquise en baissant la voix, j'ai subi le poids d'une grande douleur. Vous ne venez pas la réveiller, en cela serait infâme. Pas de phrase, madame. Je suis l'un de ces voyageurs qui, grâce aux 1000 circuits de la route, n'a jamais pu aborder le point de vue qu'il cherchait. Vous m'avez toujours échappé, vous m'avez promené de détour en détour. Caroline, il faut m'entendre. Je viens savoir aujourd'hui de vous-même ce que c'est qu'une femme, ce qu'en doit faire ma colère ou mon amour, car encore une fois, je l'aime et je l'ai tout ensemble, mais elle m'a joué, elle m'a trahi. Je ne veux plus d'elle comme ma femme, ou elle mourra. Comme votre femme ? Reprit-elle avec un mouvement de dédain. « Comme ma femme !» continua Tioblas, dont les lèvres bleuâtres tremblaient. « Tioblas, vous n'y songez pas. Je viens réclamer une promesse. J'ai compté sur vos serments, Caroline. Vous devez être ma femme, vous la serez. Tioblas, respectez mon deuil, si vous ne me respectez pas moi-même. Tout doit finir entre nous, je ne m'appartiens pas. Oui, je vous avais promis ma main, cela est vrai, mais en d'autres temps. Aujourd'hui, je dois rester veuve. » Veuve à 25 ans, veuve en aimant le luxe et les pierreries, dit-il avec un rire étouffé, car vous aimez les pierreries, marquise, je ne l'ai point oublié. Tioblas, c'est pour cette raison que je vais vous emmener avec moi, chez moi, à San Iago. Vous y verrez des mines, des bassins d'or. Vous auriez tort de me refuser. Caroline, mon habitation est moins splendide que la vôtre, mais on s'y plaît. Nous repasserons de là en Espagne, si vous voulez. Acceptez-vous? La marquise de Langeais épousait un simple marchand. Le nom de ce simple marchand, Caroline, vaut peut-être bien celui d'un contrôleur général de France. Que dites-vous de celui-ci, le comte de Cerda? Vous, le comte de Cerda? Oh, cela vous étonne. Don Juan Alvarez de Langeais de Cerda, c'est mon nom. Vous semblez-il sonore? Je suis de Catalogne, et l'évêque de Santo Domingo est tout bonnement mon oncle. Encore une fois, cela ne vaut-il pas la noblesse de robe de monsieur de Boulogne ? L'Espagnol avait enlacé de son regard la tremblante madame de Langeais. L'assurance amère de ses paroles confondait toutes les idées de la marquise. Jusque-là, elle n'avait vu dans Tioblas qu'un marchand. Était-ce un piège que cet homme lui tendait, ou bien avait-il le droit de traiter avec elle d'égal à égal ? Il l'attira lui-même de ce chaos de pensée en lui disant « Eh bien, maintenant le noble ne vous semble-t-il pas l'égal du financier? Le noble est jeune, vert encore, on l'appelle, je sais, Tioblas le marchand. Mais il a ses parchemins bien en règle. Marquise, ce noble en ruine vous déroulera son histoire. La place que vous y tenez fut terrible. Entre nous, il y a du sang. Du sang? Cria-t-elle épouvantée. Du sang, dit l'Espagnol en marchant vers elle. Et vous osez m'offrir votre nom? Qui que vous soyez, Tioblas ou comte de Cerda, que m'importe? Vous ai-je commandé jamais un crime, monsieur? Tioblas, dont les dents se froissèrent d'abord avec rage, répondit avec un air de raillerie calme à la marquise. Vous me rappelez le confesseur de la vieille duchesse de Capmany. Il était précieux à entendre sur le fameux axiome de « qui veut la fin veut les moyens ». Pour mon compte, je regrette beaucoup de n'avoir pas suivi les conférences de ce fameux casuiste. Il m'aurait peut-être appris qui de ces deux natures est la damnée, de l'esclave qui tue ou du maître qui fait tuer. Que voulez-vous dire? Qu'il n'y a pas que moi de coupable, Caroline, et que la confession de ma vie que vous allez entendre, il me faudra répondre par la vôtre, marquise de Langeais. N'aurez-vous pas pitié d'une pauvre femme qui ne porte plus ce nom? Vous avez raison, Caroline. J'aurais pu avoir pitié de la femme du marquis de Langeais. Mais je n'en aurai point pour la maîtresse de monsieur de Boulogne. Vous m'écouterez, aussi bien ces moments pour moi sont solennels. Il reprit, après une pause interrompue seulement par la respiration de la marquise. Il y a 10 ans, j'habitais San Lucar de Barrameda, jolie petite ville située à 3 lieues de Cadiz, sur la gauche du Guadalquivir. À 20 ans, c'était l'âge que j'avais alors, je ne connaissais pas, le croiriez-vous, d'autre joie que de faire la sieste sous les oliviers, de boire du vin de manzanilla et de fumer des cigares. Je n'avais jamais connu les embrassements d'une mère. Mon père, homme avare, me laisse à peine quelque argent. Élevé par ses ordres chez un chanoine, dans l'enceinte de San Lucar, dont je n'étais jamais sorti, j'ignorais la vie des jeunes gens, leurs 3 amours furieux, le vin, le jeu et les femmes. J'aurais fait peut-être un excellent bibliothécaire, mais il ne me serait pas venu en idée de songer qu'une femme pût être perfide ou qu'on pût tromper un ami. Jamais je ne désirais seulement de voir la baie de Cadiz, ses pavillons relevés ou pendant sur l'eau, ses femmes épanouies comme des fleurs à ses balcons, ses processions, ses fêtes. Mon humeur sauvage s'accommodait mieux de la lecture des auteurs les plus abstraits que de la conversation d'une jolie fille allant puiser de l'eau à la fontaine. Un jour, cependant, je fus accosté dans la principale rue de San Lucar par un vendeur de cigales qui me remit un billet. Il était d'une dame connue, me dit-il, à Cadiz pour son luxe, la marquise de la Higuera. On m'y mandait de venir, et que je n'aurais pas sujet de le regretter. Comme je ne savais trop à quelle sorte de rendez-vous j'allais, je ne suivis cet homme qu'après avoir pris mon épée. Il avait loué passage pour moi sur une felouque qui nous mena à Cadiz. La marquise me parut loger magnifiquement, mais dans le quartier de la ville le plus retiré. C'était une vieille femme dans toute l'acception du mot, et je ne m'étonnais plus, en l'examinant, du ton aimable de sa lettre. Elle avait un gros bouquet de fleurs au côté, la jupe courte et voltigeante, l'œil hardi, et le jeu le plus fripon d'éventail qui se pût voir. Or, cette marquise-là, c'était ma mère, séparée de l'auteur de mes jours depuis ma naissance, ma mère, vivant à Cadiz sous le nom d'une de ses parentes défuntes. Elle s'était souvenue fort à propos pour moi qu'elle avait un fils, et comme vous le pensez, notre joie de nous retrouver tous deux fut extrême. Avant de me faire cette confidence, elle jouit d'abord de mon embarras. Le mystère de cette entrevue lui sembla, elle me l'a souvent conté, une de ses plus douces jouissances. Bientôt elle m'entoura de soins, m'équipa selon mon rang, et se fit un devoir de m'accorder au centuple tout ce que me refusait mon père. Vous imaginez-vous un jeune homme de 20 ans contenu jusque-là dans toutes les bornes, et à qui l'on offre les moyens de vivre à sa guise? Je trouvais chez moi chaque jour des étoffes de toute espèce et de toute forme, des laquais nombreux, des bourses toujours remplies. Je pouvais me mêler dans la nuit aux sérénades, respirer la fraîcheur des jets d'eau et des bosquets, avoir une vie tressée de fils d'or et obtenir bien vite gain de cause auprès des femmes. Une passion plus frénétique et moins insensée pourtant que l'amour me saisit, cette passion, ce fut le jeu. Je n'eus que trop d'occasions de la satisfaire. J'étais attiré vers cet incroyable amour, uniquement parce que je le trouvais au-dessus des amours vulgaires, qu'il était chez moi poétique, idéal, et le prétexte de singulières profusions. Je jetais l'or aux agadors et aux premiers pauvres qui me demandaient l'aumône. J'allais moi-même dans les hôtelleries payer aux matelots du vin de la Manche. Je dotais par orgueil de pauvres étudiants qui couraient pieds nus sans avoir de quoi s'acheter des livres. Enfin, la chance me servit tellement que je fus cité dans tout Cadiz comme un nabab de l'Inde pour ses trésors. Sur ces entrefaites, ma mère mourut, et avec elle s'éteignit le soleil de ma fortune. Au lieu d'obéir, comme autrefois, à mes désirs, les cartes leur furent contraires. Je perdis des sommes considérables et vendis bientôt 2 palais. Mon père avait résolu de ne point m'entendre. Il se tenait scellé dans un couvent, après avoir légué à ma sœur toute sa fortune. Celle de ma mère s'était vue engloutir dans l'horrible gouffre. Il fallait me résoudre à traîner dans quelques villes d'Espagne la vie misérable d'un hidalgo, me voir saisi par des gens de justice pour m'aider ou m'exiler. Les colonies m'offrirent non seulement un refuge, mais encore une fortune. Entre toutes les autres, Santo Domingo me plut. Le patron de cette ville était le mien. Je trouvais moyen de m'y rendre sans payer même mon passage. Je suivis ici l'évêque Don Fernando del Portillo, mon parent, qui venait d'être nommé à cette haute dignité. En abordant l'embouchure du fleuve Lozama, je ne pus m'empêcher de remarquer sur la rive gauche la maison, ou plutôt le château, que Don Diego Colombe, fils de Christophe, fit bâtir pour s'y retourner. Revêtue d'une enceinte de murs épais, elle semblait défier la main du temps. Ce château me fit penser à celui de mon père. Mon père qui mourait, sans me voir, mon père qui m'avait maudit. Mes châteaux, mes fiefs, n'existaient plus, j'étais un paria, un exilé. Les Espagnols avaient couvert la terre où je posais le pied des vestiges de leur ancienne puissance. Leur grandeur se retrouvait partout sur ce sol inégal et gonflé de décombres, exposé aux tremblements de terre et aux exactions perpétuelles, engraissé du sang et de la sueur des Noirs, qui sous le fouet du maître succombaient sans même servir. C'était un Chanaam ouvert à mon industrie. Je n'hésitais pas à mépriser ceux des hommes qui préféraient la vie de citadins nonchalants à l'exploitation de ces landes incultes, de ces mines précieuses qui devaient enfanter de l'or. Je choisis pour demeure San Iago. Le Rio Verde renfermait tant de parcelles de ce métal qu'il le charriait avec le sable. Un esprit actif comme le mien concentra bientôt son activité dans ce commerce. Sous le nom de Tio Blas, je devins un des plus riches marchands espagnols. Mes plongeurs faisaient merveille. Ils ne pouvaient d'abord extraire chacun de ce sable que pour une gourde environ de paillettes ou de grains d'or. Je les dirigeais si bien qu'ils doublèrent ce produit. Obligés souvent de plonger dans les endroits les plus profonds, ils m'en rapportaient de petits grenats rouges si fins et si transparents qu'avant de les soumettre au lavage et à l'action du feu, je me prenais à les regarder et à m'attendrir sur eux. Cet or natif me rappelait ma première vie, mon enfance passée près du chanoine de San Lucar, ma pureté candide et tous ces tranquilles instincts que j'avais perdus. Moins ambitieux que moi, mais aussi plus heureux, mes paisibles voisins se contentaient d'un hamac, de canaris faits d'une poterie humble, de la vue de la plaine et d'un peu d'eau aiguisée de tafia. Moi, j'avais refait fortune. Je ne suspendais pas mon hamac entre deux arbres. J'avais acheté de mes beaux deniers une tour mauresque auprès du Rio Verde. Le front de ma tour, quand venait le soleil couchant, se mirait dans ma rivière aux lingots d'or. Je puis vous assurer que l'ombre du comte de Cerda était bien effacée de ma mémoire. J'étais un négociant, un trafiqueur, voilà tout. Des affaires pressantes m'appelèrent à la Guadeloupe. Jusque-là, je n'avais pas quitté ces plaines tranquilles, ces marais, devenus pour moi des trésors. J'arrivai à la pointe à Pitre. Là, pour la première fois, je vous vis. À travers ma folle existence de joueur, j'avais du moins, Caroline, préservé jusqu'à ce jour mon cœur de tout amour sérieux. Je vivais dans une ignorance heureuse de tout ce qui est passion. Le jeu m'avait traité trop cruellement pour que j'eusse envie de m'y reprendre. La fortune me souriait. Il ne manquait donc à ma nature ardente qu'un seul incendie, l'amour. Cette source des inspirations héroïques et des crimes insensés, la fureur du jeu l'avait tarie chez moi, du moins je le croyais. J'étais un convive enivré de vin et d'opium, n'ayant jamais laissé épanouir cette fleur de joie ou de tristesse au fond de mon cœur. Je ne me défiais pas même des femmes, je ne les connaissais pas. Un de vos regards pénétra cet assoupissement, mais, chose surprenante, il m'entra au cœur je ne sais quel point acéré, terrible, quand je me délectais la première fois de votre beauté. C'était à un bal, il y a 8 ans. Tous les jeunes gens de la ville vous entouraient. Les créoles, vos rivales, avaient elles-mêmes pour vous des éloges et des sourires. Merveilleusement née pour mentir, vous ne désespériez aucun de ces soupirants. À celui-ci, une fleur de votre bouquet, à cet autre, une œillade, au plus favorisé, votre éventail. Vous veniez à peine de sortir de la tutelle de vos parents et d'épouser monsieur le marquis de Langeais. C'était à qui vous débiterez ces galanteries de France pour lesquelles je ne me suis jamais senti formé. Tous les danseurs bourdonnaient autour de vous comme autant de mouches luisantes. Je vous vois encore. Vous étiez l'étoile du bal. Chacun se pressait, s'agitait autour de vous. Vous aviez une belle robe blanche à bouffettes bleues et vos cheveux noirs sans aucune poudre. Je remarquai à votre cou un magnifique collier de diamants. Mais vous eussiez porté de simples perles que vous n'en eussiez pas moins effacé toutes ces femmes. Retiré dans mon coin, auprès d'un jeune homme dont l'œil ne vous quittait pas, je vous regardais sans lui parler. Je suivais tous vos mouvements quand il me dit « N'est-il pas vrai que ma Caroline est belle ?» J'éprouvais à ce seul mot une aversion étrange pour ce jeune homme. Il était votre mari. Ce n'était pas à lui, mais bien un juif de la Pointe-à-Pitre que je devais mon invitation à ce bal. Je ne lui répondis pas, je pris mon chapeau et je sortis. Ce qui motivait dans mon esprit cette brusque disparition, c'était moins le déplaisir que j'avais éprouvé d'être arraché si brusquement à mon rêve, que l'humiliation réelle qui m'avait saisi de n'avoir pu fixer seulement votre attention. À peine, en effet, m'aviez-vous regardé. Mes habits n'avaient rien que de modeste. Vous étiez d'ailleurs trop entouré pour songer à moi. Avec votre image, que j'emportais et dont rien au monde ne put me distraire pendant la nuit qui suivit ce bal, j'emportais aussi l'espérance de vous revoir. Déjà, je ressentais tous les aiguillons de cette soirée. Je faisais mille projets. Je voulais vous enlever, me venger de mes rivaux, que sais-je. Je me tordais, je vous appelais, j'étais fou. Résolu de vous revoir, j'allai le lendemain chez ce juif qui m'avait valu l'honneur funeste de vous rencontrer à ce bal. Le bonhomme était alors occupé à défaire un écrin de son enveloppe. Un grand laquais noir qui venait de le lui remettre tenait le bouton de sa porte comme s'il eût attendu une parole de lui avant de sortir. « C'est bien, Jupiter. Vous direz à la marquise de Langeais que je lui renverrai l'écrin pour un prochain bal. » En parlant ainsi, il faisait sonner joyeusement dans sa main plusieurs pièces d'or. Le nègre partit, je demandai au juif de voir l'écrin. « Il me fait honneur, qu'en pensez-vous » reprit-il. « Mes diamants ont dansé hier sur le cou d'une marquise. »« Vos diamants, que voulez-vous dire ?»« Que je les loue, par Dieu, à monsieur le marquis de Langeais. »« Cet excellent jeune homme aime tant sa femme, il fait tant de dépenses pour elle. » »« Le marquis de Langeais ? Quoi ? Ne serait-il donc pas riche ?»« Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il me doit 900 piastres. » À son arrivée dans la colonie, il a d'abord fait belle figure, mais depuis son mariage, il emprunte. C'est peut-être le jeu. Ils sont tous acharnés ici après les cartes. Mais la marquise, la femme de monsieur de Langeais. Mon jeune confrère, ne m'interrogez pas sur elle. C'est une femme dont je tomberais peut-être amoureux si je n'avais pas de cheveux blancs. Figurez-vous qu'elle fait à elle seule aller le commerce de la Guadeloupe. Chaque jour, de nouvelles parures, des caprices, des idées de l'autre monde. N'a-t-elle pas donné l'autre mois une collation où il y avait pour 300 livres de fraises? Il est malheureux que cette femme-là n'ait point épousé quelque fermier général. Je ne vous demande pas si vous la croyez coquette. À l'extrême. Elle a rendu un jeune nègre si amoureux d'elle, pour l'avoir seulement porté en chaise à la promenade, que le pauvre garçon s'est allé noyer dans le puits d'une noria. Écoutez. Vous chargez-vous de me faire expédier de chez moi, à l'aide de ces deux mots que j'écris, un coffret laissé à Santiago? Combien attendrai-je de jours? 15 au plus. Le navire L'Hercule part ce soir même. Je me charge de votre commission. » Après ce dialogue, je quittai le juif. J'avais recueilli de sa bouche plus de renseignements que je n'en aurais espéré de votre mulâtresse. Cet amour absorbant dominait la veille toutes mes pensées. Je me débattais en vain sous son influence magnétique. Il me tenait garrotté sous lui, je ne pouvais faire un pas. Aujourd'hui, je me sentais plus à l'aise. Je vous savais pauvre, je pouvais vous aborder. Quelle joie, quel orgueil j'éprouvais à me contempler moi-même. Possesseur d'un riche domaine, je pouvais mettre à vos pieds une fortune, vous sauver de la honte peut-être. En cas de fuite, mon bras vous était acquis. Mon esquif préparé vous attendait. Et alors, vous viendriez avec moi. Vous quitteriez ces lieux où je ne faisais que passer comme passe l'oiseau. Mon palais vous recevrait. Vous aimiez singulièrement la musique. Quelques jeunes gens de la ville me proposèrent d'assister à un repas qu'ils vous offraient. Je vous accompagnais sur le clavecin. J'entrevis ainsi de plus près votre fatale beauté. La journée se passa en conversation, en plaisir. Monsieur de Langeais ne vous quittait plus. Je sus si bien faire que je l'éloignais. Il se mit au jeu, et je pus vous parler une première fois de mon amour. Quels aveux, quel langage! Chacune de mes phrases exprimait assez l'ardeur de ma passion. J'aimais d'un amour fougueux, irrité par les obstacles. Jusque-là, je n'avais jamais aimé. Vous reçûtes mes confidences en riant. vous paraissiez n'y pas croire, et vous me demandâtes pour gage de ma parole un reliquaire d'émail que je portais sur la poitrine. C'était, disiez-vous, le seul moyen que vous eussiez de conjurer le démon. Vous m'accusiez d'être le vôtre. Vous me donniez ainsi de l'orgueil à mes propres yeux. Je vous laissais ce reliquaire au travail duquel je tenais beaucoup. Je l'avais rapporté d'Espagne, et le duc del Campo m'en avait offert un sac de portugaise. J'avais aussi quelques chapelets en or dont je fus heureux de vous parer. Il me semblait qu'un Espagnol comme moi ne pouvait mieux faire que de vous couvrir d'amulettes et de vous consacrer comme une chose sainte. En prévenant ainsi vos moindres désirs, je croyais être le seul. Je ne tardais pas à me découvrir un rival dans M. de Langeais lui-même. Jaloux de vous attacher à lui par tous les liens, M. de Langeais, ainsi que me l'avait déclaré le juif, ne se faisait faute d'engager pour vous de rudes sommes au jeu. Il partait, empruntait, et perdait presque toujours avec une rare constance. Je ne tardais pas à me trouver humilié de cette concurrence intéressée. Ce joueur acharné que je trouvais sur mon chemin pavé d'or me déplut au dernier point. Cependant, grâce à vos recommandations, je ne laissais rien échapper de cette mauvaise humeur. Le sort traitait d'ailleurs impitoyablement M. de Langeais, et dans cet étrange tournoi, entrepris pour vous et sous vos yeux même, je me flattais raisonnablement d'être le vainqueur. Une circonstance singulière m'en fournit bientôt l'occasion. Le bal le plus magnifique se préparait à la colonie pour la réception du nouveau gouverneur. Vous deviez y assister. La toilette des femmes y serait, disait-on, éblouissante. Toutes les sultanes de l'île étudiaient déjà leurs costumes, car ce bal devait être un bal masqué. Vous aviez choisi l'habillement de Jeanne de Naples. À votre grande surprise, le juif qui vous fournissait vos pierreries avait disposé de cette parure. Une rivale avait fait le coup. Vous alliez vous trouver, dès votre entrée à ce bal, embarrassé par les chuchotements et les regards curieux. On ne manquerait pas de se demander comment la femme du noble marquis de Langeais n'avait point de diamants. Le bal réunissait tous les colons opulents de l'île, et vous, l'astre des fêtes, vous verriez pâlir votre éclat. Vous, le bouquet des bals, vous laissiez tomber vos fleurs à terre. Ces réflexions vous assiégeaient, et vous m'en faisiez tristement la confidence, quand un nègre domingois vint me demander à la porte de votre case. Je le reconnus vite pour un des miens. Il m'apportait le coffret demandé par l'entremise du juif. Je ne me tins pas de joie. Je savais qu'il renfermait un collier du prix de 20 000 piastres. Les diamants arrivaient fort à propos. Je vous remis le coffret. Votre éblouissement égala votre surprise. Dans votre impatience, vous essayâtes le collier. C'était une constellation magique, une pluie d'étoiles sur votre poitrine émue. Il y avait dans votre empressement, à vous en saisir, je ne sais quoi de doucereusement cruel. Vous ne me demandiez pas même comment ils m'étaient venus, ces diamants. Au prix de quel labeur et de quelle fatigue, peu vous importait. Vous étiez la reine, et ce diadème, qui avait tardé à venir, vous mettiez enfin la main sur lui. Le lendemain, au bal offert au gouverneur, c'était à qui vous ferait compliment. Les femmes vous jalousaient, les hommes se penchaient pour vous regarder. Vous étiez vraiment Jeanne de Naples. Ma qualité de marchand n'inspira aucun soupçon au marquis. Il me tira seulement à l'écart pour me demander le prix du collier. Le chiffre exorbitant de cette parure le fit reculer. M. de Langeais projetait alors une absence de 2 mois. Sa santé l'exigeait impérieusement. Ses préoccupations et ses travaux l'avaient maigri plus en 1 mois qu'en 10 années. Je fus le premier à lui offrir ma bourse et mon crédit. Mais il espérait des recouvrements à la Martinique, et il rejeta mes offres. Devenu plus libre par son départ, je n'imposais plus silence à mes sentiments. Ils éclatèrent. Nos entretiens reprirent leur cours. Il doit vous souvenir, Caroline, de quelles mystérieuses précautions vous entouriez mon bonheur. Personne dans la colonie ne s'en doutait. Vous jugiez sans doute inutile de divulguer aux yeux de tous votre honte, car la franchise et à l'amour vous n'opposiez, vous, que la soif des richesses et une insatiable cupidité. Il vous eût semblé cruel, n'est-ce pas, de mettre ainsi votre âme et votre tarif à nu. En me prescrivant comme loi première de me cacher, c'était moins la crainte de M. de Langeais qui vous guidait que celle de voir tomber votre masque à terre, ce masque sur lequel vous rêviez l'or, non l'amour, masque de courtisane que je ne soulève qu'aujourd'hui. » La marquise fit un mouvement, il reprit. Ma crédulité ne devait sonder aucune de ces précautions, je m'y soumis. Il m'arrivait parfois de vous attendre chez vous des heures entières. Je m'asseyais à la place où j'avais causé avec vous la veille, puis je la quittais en sursaut, dès que retentissait le galop de votre cheval. Je soulevais alors le store pour vous voir. Vous rentriez suivi de 20 cavaliers dans votre salon. Vous ne me regardiez pas, mais aussi, quand venait le soir, je pouvais me glisser sans être vu dans votre boudoir. Un soir, j'y rentrais, pâle et défait. Des lettres alarmantes m'arrivaient de Saint-Iago. Des lettres qui m'annonçaient le malheur et la ruine. Je ne vous laissais rien voir de mes craintes, moi, votre amant. J'affectais un air délibéré en vous faisant mes adieux. Ce départ, ces tristes lettres, infiltraient pourtant l'agonie au fond de mon cœur. Vous m'aviez juré ce que jurent ordinairement les femmes. Votre amour, disiez-vous, se trouvait assez fort pour survivre à tout obstacle. En remplissant votre cœur, mon image n'y laissait point de place pour d'autres images. Je ne doutais point de votre sincérité, je pensais verser des larmes quand vous m'offrîtes de reprendre ce collier que j'avais eu l'orgueil et la joie de vous prêter le jour du bal. Je sentais mon courage s'affaiblir en demeurant plus longtemps. Je partis. Ce fut pour moi un moment terrible, il y a 7 ans, et je m'en souviens encore. De retour chez moi, je trouvais mon habitation en grand tumulte. Une portion de mes noirs avait déserté, m'enlevant le fruit de ma récolte. Ils avaient gagné le Fontenegro où ils s'étaient retranchés. J'écrivis aux autorités, on me fournit des hommes, des chevaux. Bientôt je me mis à la poursuite des fuyards. Ils n'étaient allés heureusement qu'à petite journée, traînant après eux le plus des parties métalliques possibles afin de les réduire en lingots. Ils me supposaient encore absent, et j'en rencontrais tout à coup bon nombre sur la route qui revenaient impudemment la nuit pour me voler le reste des mines. Je fis feu sur eux le premier, les soldats de la garnison m'imitèrent. Dans leur grossière ignorance, plusieurs de ces malheureux avaient avalé des parcelles d'or pur, d'autres les avaient cachées soigneusement sous leur chevelure crépue. J'appris bientôt que ces soulèvements et ces larcins n'avaient été dus qu'à l'influence de certains exemples contagieux dans le nord de la partie française. Je fis mettre les fers aux pieds des plus dangereux, et je les contins par la crainte. Seulement, il me fallut me remettre au travail comme si je n'eusse rien fait, rétablir mes affaires et surveiller de près ma fortune menacée. Je ne quittais plus mes orpailleurs d'un seul instant. Le jour et la nuit, j'étais avec eux. Au milieu de cet esclavage réel, une seule pensée me soutenait, celle de vous revoir, de vous rapporter le fruit de mes veilles. Le peu de lettres que vous m'écriviez me donnait la fièvre. Je vous voyais, triste, mourante, en proie au besoin peut-être. Notre intrigue pouvait se découvrir d'un moment à l'autre. Qu'eussiez-vous fait, faible femme, devant le courroux de M. de Langeais? Toutes ces pensées échauffaient mon cœur, elles redoublaient mon anxiété. J'avais fui le jeu, les cercles, les plaisirs. Je ne voyais que vous qui puissiez me rendre le travail léger. Dans quelques mois, j'allais vous rejoindre. Dans quelques mois, votre amour saurait me venger du sort. Rêves insensés, aveugles, mon étoile fatale ne devait-elle pas m'avertir que je ne bâtissais que sur le sable? Il n'y avait pas un mois que j'étais de retour à Saint-Iago, lorsque je reçus avis que des 6 vaisseaux frétés par moi en compagnie des plus riches marchands de la ville, un seul avait échappé, un seul, qui venait nous apporter lui-même la nouvelle de ce désastre. Nos bâtiments de Tripoli, de Lisbonne, de l'Angleterre, de l'Inde, de la Barbarie, perdus, engloutis ou capturés par les corsaires. C'était la désolation et la misère qui allaient planer sur nos têtes. Comme si rien ne devait manquer à mon malheur, ce fut moi que ma compagnie choisit pour aller trafiquer au Mexique de ses dernières ressources. Lorsque je m'établis dans le pays, ces mêmes hommes m'avaient fait les premières avances. À cette heure, ils remettaient entre mes mains leur avenir, leur crédit. Pouvais-je résister aux supplications qu'ils m'adressaient? Le souvenir de leurs adieux se retrace encore à mon imagination dans toute sa force. Je ne crus pas devoir hésiter, je quittai l'île. Arrivé au Mexique, il me sembla d'abord que la fortune se lassait de me poursuivre. Mes opérations ne tardèrent pas à se voir couronnées d'un plein succès. Je rétablis même si bien, au bout de 6 mois, les affaires de ma compagnie qu'elle me rappela, et j'allais mettre à la voile quand je me vis arrêté par un ordre du gouverneur, jeté dans un cachot sans qu'il me fût permis seulement d'invoquer sur ce sol la justice de mon pays. L'envie seule avait ourdi cette trame, l'envie qui suit toujours la fortune et se cramponne au manteau de ses favoris. On calomniait mes spéculations, on leur assignait une source impure. Ma vie mystérieuse, intérieure, ma vie, que votre amour seul remplissait, était devenu le texte de 1000 mensonges. Les haines et les rivalités de toutes sortes se liguèrent pour m'assiéger. Un misérable esclave mexicain s'était défait de son maître, un riche espagnol, par le poison. On m'imputa ce crime, parce que j'avais eu quelques relations d'intérêt avec la victime. Les biens que j'avais amassés enflammaient une multitude d'esprits cupides. Leur confiscation flatta mes juges, qui, s'armant de l'impunité que leur assurait l'Inquisition, me condamnèrent à pourrir 7 ans dans la tour de Santa Maria. Quand j'appris cet ordre, j'avais le pied sur le vaisseau qui devait me ramener à Saint-Domingue, d'où je serais parti pour vous retrouver, parti pour vous revoir, ne plus vous quitter peut-être. 7 ans dans les cachots, Caroline, 7 ans dans cette tour qui, comme un rideau funeste, était venu me cacher le jour et la vie. 7 ans sans amis, sans espérance, moi, un noble, moi, qui m'étais en vain réclamé de ma famille. La tête appuyée sur la misérable natte de paille qui recevait à peine, vers midi, une caresse du soleil lorsque ses feux brûlaient la plaine au dehors. Je prenais Dieu à témoin de mon supplice. Le front abattu, la bouche ardente de soif, je lui demandais les ailes de ces 1000 oiseaux voyageurs qui passaient sur ma tête et dont je n'entendais que les cris, pour franchir un instant, fût-ce au prix de 1000 morts, les flots de la mer immense et me retrouver auprès de celle vers qui je tendais les bras. Parfois le ciel semblait m'exaucer, mes liens tombaient, je me voyais libre. Songeant alors à la Guadeloupe, je la voyais se détacher et venir à moi comme un cygne flottant sur l'eau. Mollement illuminé aux vapeurs bleues de la lune, votre image enchanteresse planait sur moi. J'écartais de mes 2 mains, pour vous recevoir, les moindres cailloux de la plage. Je mouillais de mes larmes l'endroit qu'allait recevoir vos pas. Le rêve effacé, je me retrouvais seul, seul devant le crucifix que l'insultante pitié de mes juges avait laissé à ses murs. Ils ne savaient que trop que j'étais innocent, mais ils vivaient de ma mort. Cette richesse, que je n'avais amassée que pour vous, ils se la partageaient comme une dépouille. Le temps était venu cependant où ces pierres, qui devaient se fendre sous mes sanglots, allaient s'ouvrir aux réclamations de mes amis désabusés sur mon trépas dont on avait fait courir la nouvelle. L'heure de ma délivrance approchait, et je l'attendais comme si elle eût dû me rendre la vie. Hélas, il ne vint que trop vite pour moi, ce jour qui me paraissait si lent à luire. Je ne pouvais prévoir quelle influence terrible il aurait sur ma destinée, à quels remords éternels et à quelle honte votre indigne amour me condamnerait. Ici, l'Espagnol éleva les yeux au ciel avec une expression de douleur désespérée. La lampe de cette chambre éclairait seule sa figure, qui était devenue peu à peu d'un magnifique caractère en passant par les divers sentiments qu'elle traduisait. Madame de Langeais, visiblement terrifiée, n'osait articuler devant lui la moindre parole. C'était une confession qu'il lui avait annoncée. Elle en attendait la fin avec angoisse. Au dehors, le silence était profond. De gros scarabées, se heurtant aux vitres, cherchaient seuls à l'interrompre. L'Espagnol appuya sa tête entre ses mains, comme s'il eût voulu contenir lui-même la digue de ses souvenirs, puis, le regard machinalement cloué sur les nattes de la chambre, il continua.